14. Charles fait ses conditions, il est délivré. La journée se termina sans accident et sans nouveau méfait de l'homme noir ni des fées. Le lendemain, grand jour des révélations de Charles, Holnick prévint les enfants que si les coupables n'étaient pas nommés à midi, les retenues et les exécutions commenceraient. Pendant l'étude de 9 heures, Charles demanda la permission de sortir. Boxir, devinant le projet de Charles, accorda la permission. Les élèves, qui le connaissaient mieux encore que Boxir, se montraient agités. Ils tremblaient pour le malheureux Charles et ils éprouvaient une certaine reconnaissance du sentiment généreux qui le portait à s'accuser pour disculper ses camarades. Charles se dirigea vers le cabinet de M. Holnick. « Monsieur, dit-il en entrant. Holnick, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Charles, monsieur, aucun des élèves ne veut parler. Personne ne veut vous indiquer les coupables. Alors j'ai pensé que ce n'était pas bien, que vous deviez, comme chef de la maison, connaître les noms de ceux qui troublent l'ordre ici. Je me suis donc décidé à tout vous dire, monsieur, mais à une condition. Holnick, comment? Des conditions? À moi? Charles, oui, monsieur, à vous. Une condition, une seule, sans laquelle je ne dirai rien. Holnick, je saurais bien te faire parler, petit drôle. Charles, oh, monsieur, si je ne veux rien dire, personne ne me fera parler. Vous me tueriez avant d'obtenir de moi une parole. Holnick regarda Charles avec surprise. Son air, calme et décidé, lui fit comprendre qu'avec un caractère de cette trempe, on n'arriverait à rien par la violence. Il réfléchit un instant. Holnick, et quelle est cette condition? Charles, il faut, monsieur, que vous juriez de par les faits et sur le salut de votre maison, que vous n'infligerez aux coupables aucune pénitence corporelle, aucune autre punition que de les chasser immédiatement de votre maison. Cette dernière clause est indispensable pour la sécurité de votre intérieur, car les coupables ont bien d'autres tours dans la tête, dont les résultats pourraient être très fâcheux. Holnick était embarrassé. Renoncer à la punition de faits aussi énormes était déroger à la discipline terrifiante de sa maison, et ébranler la soumission si péniblement obtenue. Ignorer l'auteur des dernières abominations qui s'étaient commises, garder des êtres aussi entreprenants et aussi respectueux, c'était prêter les mains à la décadence, à la honte de sa maison. Viendrait un jour où les enfants, perdant toute crainte, toute retenue, exerceraient des représailles terribles, maltraiteraient peut-être les surveillants et lui-même. Il perdrait alors le profit qu'il tirait des pensions payées pour ses enfants qu'il ne pourrait garder. Il se décida donc à accorder à Charles ce qu'il demandait, quelque répugnance que lui inspira cette concession. « Je t'accorde ce que tu exiges de moi, » dit-il enfin. « Charles, vous voulez l'écrire, monsieur ?»« Insolent !» s'écria Holnick, poussé à bout. « Charles, ce n'est pas par insolence, monsieur, c'est pour les camarades ce que j'en fais. Vous comprenez, monsieur, que vis-à-vis d'eux, ma position est délicate. » Et que je leur dois de les tranquilliser, pour les coupables, sur les suites de ma révélation. Holnick, c'est bon. Donne-moi une feuille de papier. Charles, voilà, monsieur. N'oubliez pas, monsieur, s'il vous plaît, que vous devez mettre « Je jure de par les faits et sur le salut de ma maison. » Holnick, avec humeur. « Je le sais, tu me l'as déjà dit. » Et il écrivit. « Je jure de par les faits et sur le salut de ma maison. » De n'infliger d'autres punitions aux élèves coupables que doit me dénoncer Charles McLance que celle d'une expulsion immédiate, m'engageant à ne faire grâce à aucun prix et à opérer l'expulsion dans les 2 heures qui suivront la révélation. Fait à Ferry Hall, ce 9 août, fête de Saint-Amour, à 9h30 du matin par mois. Pancras, Barbolin, Zéphyr, Rustique, Holnick. Tiens, tu es satisfait, je pense. Et maintenant, le nom des coupables. Charles. Pardon, monsieur, encore 5 minutes. Je vais porter ce papier à qui de droit et je reviens. Holnick voulut s'y opposer, mais il réfléchit que Charles n'avait aucun intérêt à ne pas achever sa révélation et que ce papier ne pouvait servir qu'à ceux pour lesquels il était écrit. D'ailleurs, Charles était parti si lestement qu'il eût été impossible de l'arrêter. Il fut exact. 5 minutes après, il était de retour, après avoir remis le papier à Betty, en lui expliquant que c'était sa garantie contre les mauvais traitements cruels dont avaient été menacés les coupables. « Je te le donne, » dit-il, « pour qu'il ne prenne pas fantaisie au vieux Holnick de le détruire en me l'arrachant des mains. »« Eh bien, » dit Holnick, avec humeur, « parleras-tu enfin ?» Charles, « Oui, monsieur, je suis prêt. Le coupable de tout ce qui s'est fait depuis quelques jours, c'est moi, monsieur. »« Toi, Toi ! S'écria M. Olnick en sautant de dessus son fauteuil et en regardant Charles avec une stupéfaction profonde. Toi ! Charles : Oui, monsieur, moi seul. Olnick : C'est impossible, tu mens. Charles : Non, monsieur, je dis vrai, très vrai. Moi seul ai tout inventé et tout exécuté. Olnick : Comment c'est-il possible ? Charles : Je vais tout vous expliquer, monsieur, à commencer par la cloche. Olnick : La cloche ? C'était toi qui empêchais de sonner ? Mais je te répète que c'est impossible. On t'aurait vu, entendu. D'ailleurs, comment empêcher une cloche de sonner ? Charles sourit et commença ses explications. L'audace de la conception, de l'exécution, la simplicité des moyens surprirent tellement le vieux Olnick que, malgré son indignation, sa colère, il n'interrompit pas une fois le récit de Charles. Ses narines gonflées, son visage empourpré, indiquaient la colère toujours croissante, la rage qui bouillonnait dans sa tête et dans toute sa personne. Quand Charles eut fini, Olnick lui dit, avec fureur, « Je crois, en vérité, brigand, scélérat, que si tu ne m'avais extorqué la promesse que j'ai signée, je t'aurais mise en pièces moi-même, de ma main. Mais j'ai signé, tu as mis le papier en sûreté, je m'abstiens. Quant à te faire partir d'ici et ta bêtie avec toi, le plus tôt sera le mieux. Tu es trop dangereux dans ma maison, tu as trop d'invention, d'imagination, de volonté, d'audace. D'ailleurs, ta pension n'était pas payée d'avance. J'y perds au lieu de gagner. Tiens, drôle, voici un billet de sortie. Et un autre pour ta gueuse de Betty. Partez, et à ne jamais nous revoir, j'espère bien. Amen, monsieur, sans revoir. » Charles salua, sortit et courut avertir Betty qui partagea sa joie. Elle abandonna ses casseroles, jeta son tablier, alla à la lingerie, fit en 10 minutes son petit paquet et celui de Charles, et tous deux se dirigèrent vers la porte à laquelle veillait le sonneur. Il ne les voyait pas puisqu'il leur tournait le dos, et il les entendait encore moins puisque sa surdité était complète. Charles, s'approchant, lui tapa sur l'épaule. Le sonneur : Quoi, qu'est-ce ? Comment osez-vous me toucher, mauvais sujet ? Attendez un peu, vous verrez aujourd'hui même comment je touche, moi. À midi, la première exécution. Vous êtes le numéro 1, rien que ça, le meilleur. Avant que le bras soit fatigué, on tape plus ferme, et on fait plus de besogne à la minute. C'est aujourd'hui à la minute qu'on fouette. Grande exécution. Monsieur Boxer, qui a réparti le temps, vous a désigné pour 5 minutes. Je les emploierai bien, allez. Charles : Eh bien, Betty, je l'ai échappé belle. Fais voir nos billets de sortie à ce méchant homme. Betty fit voir les billets au sonneur stupéfait, qui ne put faire autrement que d'ouvrir la porte. Avant qu'elle ne fût refermée, Charles fit au portier un salut moqueur, y ajouta les cornes, un pied de nez, et lui tourna le dos. Les élèves attendirent vainement le retour de Charles, dont ils étaient fort inquiets. Au dîner, ne le voyant pas paraître, ils pensèrent que M. Olnick l'avait enfermé dans un cachot souterrain, et pendant la récréation, ils firent des suppositions, plus terribles les unes que les autres, sur les tortures que subissaient certainement leurs malheureux camarades. À la rentrée de l'étude, Boxer, qui avait été mis au courant par M. Olnick, fit aux élèves un discours énergique qui les impressionna vivement. « Il y a aujourd'hui une place vacante parmi vous, tas de polissons. Celui qui l'occupait a été honteusement chassé par notre père, notre juge, M. Olnick. » Boxir enlève sa calotte et la remet. « Ce vaurien, ce malfaiteur, a eu l'audace de déclarer à votre maître vénérable que tous les méfaits, les crimes de ces derniers jours, provenaient de lui, Charles Maclans, qu'ils avaient été conçus par lui, exécutés par lui. La présence parmi vous d'un être aussi corrompu, de ce véritable Méphistophélès, c'est-à-dire diable, ne pouvait être toléré. Il a été chassé. Il avait une complice, Betty, qui a subi la même ignominie. Nous voici donc rentrés dans l'ordre, dans le régime salutaire du fouet, qui va être appliqué avec plus de rigueur que jamais au moindre symptôme d'insubordination, de négligence. Vous êtes avertis. Il dépend de vous que les sévérités paternelles, exécutées par la main vigoureuse du sonneur, vous atteignent ou vous épargnent. » Boxir s'assit. Les malheureux élèves, tremblants mais ruminant la vengeance à l'imitation de Charles, se mirent au travail en songeant aux moyens de s'en affranchir. Nous allons les laisser continuer leur vie de misère pour suivre Charles, qui n'oubliera pas ses malheureux camarades et qui terminera promptement leur souffrance en leur faisant à tous quitter sous peu de jours la maison de Ferris Hall par ordre du juge de paix. mais il songea d'abord à lui-même et, avant d'aller chez Marianne et chez Juliette, il alla chez le juge de paix solliciter sa protection pour ne pas être remis sous la tutelle de la cousine MacMiche et pour être confié à la direction de Marianne.